إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, on continue notre explication du livre Al-Adillatu al-Shar'iyya li kashf al-talbisat al-hizbiyya. C'est-à-dire, en français, on l'a traduit par les méfaits de la démocratie, bien entendu, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que simplement les méfaits de la démocratie. Hein. Mais on parle aussi de tout ce qui a rapport avec qu'est-ce qui tourne autour de la démocratie aussi, et la réfutation des hizbiyyin qui essaient de défendre la démocratie et de prétendre que c'est quelque chose qui est permis en islam ou qui fait partie de l'islam ou qu'il y a une démocratie islamique ou qu'ils peuvent utiliser la démocratie comme un moyen pour arriver à établir la charia de l'islam. Donc tout ça c'est réfuté dans ce livre. Et on est rendu au cours 28 aujourd'hui, alhamdulillah, et on est donc proche de la fin. Donc qu'est-ce qu'on va expliquer aujourd'hui parmi les... Parmi les points qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a rapport avec la suite de ce qu'on a fait la semaine passée, la réfutation des Khawarij et de leur manhaj. Et c'est pour répondre aux paroles de Abdul-Majid al-Zindani et aux paroles de Yusuf al-Qardawi et d'autres parmi ces gens-là qui ont dit que, par exemple, le système démocratique, c'est de changer le dirigeant et de l'enlever du pouvoir, de le destituer lorsqu'il est injuste ou lorsqu'il fait une déviation ou quelque chose de ce genre. Et on a expliqué que ça c'est pas permis, que ça c'est contraire au manhaj des salaf salih. Et que dans le manhaj des salaf, c'est uniquement si on voit une forme de kufr clair, aussi clair que le soleil en plein jour, dans des cas comme ça, c'est permis si les conditions sont réunies et si les musulmans ont la capacité de le faire. Dans un cas pareil, oui, ce sera permis pour les musulmans de prendre, d'essayer de l'enlever si ça va pas ramener un mal qui est plus grand. Toutefois, dans les cas autres que le kufr bawah, on n'a pas le droit d'essayer de déclasser celui qui est au pouvoir. On n'a pas le droit de l'enlever du pouvoir, même s'il est injuste, même s'il fait de l'injustice. Et aussi également, on a expliqué que même s'il a fait un kufr bawah, donc c'est dans des cas comme ça, il faut pas que ça amène plus de mal que le mal qu'on essaie d'enlever. Donc tout ça on a expliqué, on a mentionné les hadiths qui parlent des khawarij. Et maintenant on va continuer à lire la suite de qu'est-ce que le cheikh il dit à ce sujet-là, puis lire les paroles des imams parmi les imams des salaf à ce sujet. Le cheikh dit « Qultu, wa lastu al-an bi sadad sard al-adilla fi al-tahdhir min madhhab al-khawarij wa man manhahum » فإنهم معلومة فإنها معلومة لدى كثير من الناس فضلا عن طلبة العلم وإنما الذي جعلني أنقل التحذير السلف منهم ما رأيته من كلام لك توافقهم فيه وهو معاملة الحكام الذين ما زالوا في دائرة الإسلام وتلبسوا بجور أو فسق أما وقفت على منهج السلف في ذلك المستند على الكتاب والسنة أم ضربت عنه صفحا فإليك بيانا في فإليك بيان ذلك مختصرا لعلك تراجع قولك السابق. Donc le cheikh il dit ici que il ne veut pas, hein, ça c'est le Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi, il dit, je ne veux pas ici essayer de ramener toutes les preuves qui avertissent contre le madhhab des Khawarij et ceux qui ont suivi leur voie, ou qui ont suivi leur tendance, parce que ces textes-là et ces preuves-là sont très très connues, et sont très nombreuses, et elles sont connues par les gens en général, et en particulier, bien entendu, connues par les Tullab al-Ilm. Mais, il dit le chef, qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir mentionner ces avertissements-là du manhaj des salaf? Donc, le chef, il dit, il a uniquement voulu mentionner les avertissements des salaf, parce qu'il a vu dans, il dit, j'ai vu dans tes paroles, c'est-à-dire les paroles d'Abdul-Majid al-Zindani, il s'adresse à lui, il dit, j'ai vu dans tes paroles des choses qui montrent qu'il y a un accord entre leur madhhab et ce que tu dis toi, dans la façon dont on doit traiter les dirigeants qui sont toujours dans, à l'intérieur du cercle de l'islam, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sortis du cercle de l'islam, et qui ont fait ou qui ont agi d'une manière injuste ou qui ont fait des formes de péché ou de fisc. Donc, il lui dit, n'as-tu pas pris connaissance du manhaj des salaf à ce sujet, hein, qui est basé sur le Coran et la Sunna, ou bien tu as simplement tourné la page sur cette question sans y donner d'importance. Donc il dit, voici un petit résumé à ce sujet-là, peut-être que cela va te pousser à revenir sur ta parole précédente. Donc ça c'est, maintenant le cheikh il fait une série de citations des paroles des salafs au sujet de la position qu'on doit avoir envers les dirigeants musulmans qui font de l'injustice, hein, et comment on doit les écouter et les obéir dans le bien, et que c'est ça le mazhab des salafs, et qu'on n'a pas le droit de se révolter ou de se rebeller ou de sortir contre eux ou de les critiquer ouvertement, publiquement, et de les insulter ou de faire des doigts contre eux ou des choses de ce genre, et que tout ça c'est contraire au mazhab des salafs salih. Donc on va lire ça ensemble, inshallah. Le shaykh il dit, قال الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. Donc le cheikh il commence par une citation de l'imam al-Tahawi, et dans cette citation l'imam al-Tahawi il dit, et on ne voit pas qu'on n'est pas d'accord avec le fait de prendre les armes et de sortir contre nos dirigeants, de se rebeller contre nos dirigeants, ceux qui s'occupent de nos affaires, c'est-à-dire ceux qui sont responsables de nous, même s'ils font de l'injustice, et on ne fait pas de doua contre eux, et on ne retire pas notre main de leur obéissance, et on croit que il faut leur obéir dans ce qui est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, que ça c'est obligatoire, il faut les obéir tant qu'ils ne nous ordonnent pas de faire un péché. Et on fait des doigts pour eux, pour que Allah subhanahu wa ta'ala les réforme et les corrige et leur pardonne également. Donc ça c'est là dans Sharh al-Aqida al-Tahawiyya, même dans le texte lui-même de l'Aqida al-Tahawiyya de l'imam al-Tahawi, qui est un des imams parmi les imams des salaf salih. Donc ici l'imam al-Tahawi il nous explique des principes qu'on voit aujourd'hui beaucoup de musulmans contredire, et il explique que cette voie et ces principes-là font partie des principes de Ahl al-Sunnah et wal-Jama'a. Donc le cheikh il dit, parmi les exemples, il dit, on ne croit pas qu'il faut se rebeller contre les dirigeants. Hein. Il ne faut pas se rebeller contre eux, et ceux qui sont responsables de nous, on n'a pas le droit de sortir contre eux, ou de se rebeller contre eux, ou de prendre les armes contre eux, même s'ils sont injustes, et même s'ils font du mal ou de l'injustice, hein, même s'ils font des péchés. Et ça, c'est contraire à ce qu'on voit de la part de certains hizbiyyin aujourd'hui, parmi les groupes et les jama'at. Ils disent, bon, il faut se rebeller contre les dirigeants, quand on les voit en train de faire des péchés ou en train de faire des injustices, et ils sont vraiment en train de suivre tout ce qui se passe dans les médias, dans les journaux, dans la radio, dans les télé et ailleurs, dans les médias, dans l'internet. Ils cherchent les péchés, les fautes et les problèmes des dirigeants, et puis après ils envoient ça dans leur forum ou dans leur site, et ils incitent les musulmans à prendre connaissance de ces erreurs-là et de ces fautes-là, pour par la suite essayer de faire faire en sorte que les gens détestent, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les principes. On voit beaucoup de musulmans aujourd'hui qui contredisent ces principes-là, et on va voir dans les paroles des autres imams qui vont suivre que ce principe-là, il a toujours été expliqué et enseigné par tous les imams des salafs, hein, et que c'est un ijma des salafs qu'on n'a pas le droit d'appeler à la rébellion contre les dirigeants et de se rebeller contre les dirigeants. Donc le cheikh il dit des exemples, parmi les exemples, bon, le fait de ne pas retirer notre main de leur autorité et de leur obéissance, c'est-à-dire quand on a fait on a donné notre allégeance, ou bien quand les gens de, comme on appelle ceux qu'on appelle Ahlul Hilli wal Aqd, ils ont donné leur allégeance aux dirigeants, nous on n'a pas le droit de retirer notre main de l'autorité de ce dirigeant-là pour dire par exemple, ah non, on ne veut pas l'obéir, on ne veut pas l'écouter parce qu'il fait des péchés, ou parce qu'il fait de l'injustice, ou parce qu'il ne nous donne pas du pain, ou il ne nous donne pas du sucre, hein, comme certains, comme le font les koufars et comme le font parfois certains, parmi les hizbines également, parmi ceux qui parlent au nom de l'islam, ils pensent qu'ils appellent à la justice sociale, et ils penchent vers la méthode des socialistes, hein, lorsqu'ils voient que le dirigeant est injuste, ils appellent à la rébellion. Et ça, c'est bien entendu contraire à l'islam. Et un autre exemple aussi qui dit, et on ne voit pas, et on voit que de leur obéir, ça fait partie de l'obéissance d'Allah. وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَتِ اللَّهِ فَرِيضًا. Donc ça veut dire, on considère que de leur obéir, ça fait partie d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'il ne nous ordonne pas de faire un péché. Donc, quand les dirigeants nous ordonnent de faire quelque chose, tant que ce n'est pas haram, on est obligé de le faire. Et de les obéir selon notre capacité. Tant que ce n'est pas interdit, qu'est-ce qu'ils nous demandent, on doit le faire selon notre capacité. Et puis en même temps, c'est quelque chose qui fait partie de l'obéissance d'Allah. Donc celui qui obéit aux dirigeants, c'est comme s'il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il désobéit aux dirigeants, c'est la même chose. C'est comme s'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des gens comme ça qui pensent que tant qu'ils n'ont pas désobéi à Allah dans qu'est-ce qu'il a ordonné dans le Coran, ils peuvent désobéir aux dirigeants, ça ne dérange pas, puisqu'ils pensent que la seule chose qui compte dans l'obéissance d'Allah, c'est d'obéir juste aux ordres de, par exemple, faire la prière, faire le jeûne, et s'écarter de qu'est-ce qui est écrit dans le Coran comme choses haram qui sont directement, explicitement interdites. Et donc, ils s'imaginent que ce qui est en dehors de ça, comme par exemple les commandements ou les ordres du dirigeant, ils pensent que ça, c'est pas obligatoire. Mais, bien entendu, c'est obligatoire. C'est comme la même chose que, par exemple, un homme qui ordonne quelque chose à sa femme, eh bien, la femme doit obéir à son mari, même si qu'est-ce que le mari ordonne n'a pas été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala directement dans le Coran. Elle doit obéir à son mari tant que son mari ne lui ordonne pas de faire quelque chose de haram. Donc c'est la même chose pour le dirigeant, ou bien les enfants pour leurs parents, c'est la même chose aussi. D'accord? Et le cheikh termine en disant مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ وَنَدْعُوا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ. Donc, on a vu que le cheikh il dit on n'a pas le droit de faire des doigts contre eux, et on doit faire des doigts pour eux, pour que Allah les réforme et pour que Allah leur pardonne. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui chez les Hizbiyin, chez les Takfiri, qu'ils font le contraire de ce que les salafs ont ordonné et ce qu'ils ont enseigné. C'est-à-dire qu'ils font des doigts contre les dirigeants, ils invoquent contre les dirigeants injustes, et ils font des doigts contre eux. Et ça, c'est interdit. Et également, ils ne font pas de dua en leur faveur, et ils considèrent que si un musulman fait un dua pour un dirigeant injuste, automatiquement, ils vont dire, ah, ça c'est un agent du gouvernement, ça c'est un espion, ça c'est un ci, ça c'est un ça, ils vont commencer à l'insulter et à dire du mal de lui. Hein? Et c'est ça ce qu'ils disent maintenant, même dans les pays musulmans, quand ils voient un imam dans la prière de vendredi, ou bien dans une khutbah ou un discours, et qu'il va faire une invocation en faveur du dirigeant, ou parler, faire un dua pour le dirigeant, automatiquement, les gens commencent à dire, ah, ça c'est un munafiq, ça c'est un agent, il travaille pour les services d'enseignement, c'est un mukhabarat, hein, ils vont dire c'est un agent, et ainsi de suite. Alors que, qu'ils le font à chaque fois. Le dirigeant. À chaque du mois. Oui. Oui, c'est sûr. Parce que c'est vrai que ça ne fait pas partie de la sunna de le faire, de faire le dua pour le dirigeant à chaque du mois. Parce que le prophète, sur ensemble, il ne faisait pas ça. Il n'a pas enseigné de le faire non plus de cette façon. Sauf que de temps en temps, c'est permis de le faire, hein? mais de ne jamais le faire, ou bien de dire que de le faire c'est incorrect ou c'est interdit parce que c'est pour les dirigeants, non, ça c'est pas correct. Mais si quelqu'un dirait par exemple, ça de faire ça c'est bid'ah parce que le prophète ne nous a pas dit de faire ça ou ne nous a pas enseigné de le faire, pas parce qu'on fait des doigts pour le dirigeant, mais de toujours faire le doigt en général, parce que c'est pas le doigt de pour le dirigeant qui est une bid'a seulement, c'est de faire à la fin de chaque jumu'a de faire un dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas enseigné ça, il ne faisait pas ça non plus. Il y a des gens qui pensent que le dua du jumu'a c'est obligatoire, et vu que ça fait partie de la sunna de le faire, alors que ce n'est pas ça. Hein? Donc ça c'est à ce point-là qu'il faut bien comprendre cet aspect-là. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, il disait, rahimahullah, si je savais que j'avais une seule invocation, un seul dua que j'allais faire, puis que Allah subhanahu wa ta'ala allait exaucer ce dua, je l'aurais gardé pour le dirigeant. Hein? Je l'aurais gardé pour le dirigeant. C'est-à-dire, j'aurais fait ce dua pour le dirigeant, pour que Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne et le corrige et le rende meilleur. Pas pour qu'il soit puni ou qu'il soit pire encore, comme les gens ils disent, parce que si tu fais des duas contre lui, il va devenir pire. Hein? Il va devenir pire que si tu fais des duas en sa faveur. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir son cœur à cause de ton dua. Et si lui il est guidé, eh ben toute la umma va en profiter, hein, du bien qui va en venir de ça. Donc il faut profiter pour faire des dua en faveur du dirigeant et non pas contre lui. Ensuite le cheikh il mentionne les paroles de celui qui a fait le sharh de l'aqidah al-tahawiyya, c'est l'imam Ibn Abi al-Izz, hein, al-Hanafi. Il dit « Amma luzumu ta'atihim » وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكثير السيئات ومضاعفة الأجور فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل إلى آخر il a akhiri kalamihi. Donc ici il mentionne une partie des paroles de l'imam Ibn Abi al-Izz qui dit, en ce qui concerne le fait d'obéir aux dirigeants, même s'ils font de l'injustice, c'est parce que le fait de sortir contre eux et de se rebeller contre eux, ça amène des conséquences beaucoup plus graves, beaucoup plus grandes que l'injustice qu'ils font eux-mêmes, ou que l'injustice qui vient de ce qu'ils font ces dirigeants-là. Toi, tu veux enlever l'injustice du dirigeant, puis tu veux le remplacer par une injustice qui est plus grande que cette injustice-là en te rebellant contre lui. Parce que les conséquences de cette rébellion vont amener d'autres méfaits et d'autres effets, des conséquences négatives plus grandes dans leur mal que le mal du dirigeant à l'origine. Donc, on ne doit pas sortir de leur obéissance, de leur autorité. Après, le cheikh dit, « Bal, fi sabri ala jawrihim takfiru sayyat. » le fait d'endurer leur injustice, ça, ça fait, c'est une chose par laquelle nos péchés seront expiés, effacés, et que nos récompenses seront multipliées, parce qu'on fait preuve de patience. Et ça, c'est une ibada. Sabr, c'est une adoration. Donc, quand on fait preuve de patience et qu'on endure l'injustice, eh bien, Allah nous augmente en récompense dans ce cas-là, et il nous efface nos péchés à cause de ça. Donc, il y a du bien là-dedans. Même si on pense que nous, en apparence, c'est mal, l'injustice, eh bien, il y a du bien dedans aussi. Après, le cheikh, il dit, « وَفَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا صَلَّتَهُمْ عَلَيْنَا » Il dit, Allah, il ne les a pas mis au-dessus de nous, il n'aura pas donné le pouvoir sur nous, excepté à cause de la corruption de nos œuvres. Et donc, la récompense que Allah nous a, le fait qu'Allah nous a donné ces dirigeants-là, c'est en récompense pour ce qu'on a fait, ou bien c'est en punition pour ce qu'on a fait. On a ce qu'on mérite en fait. Donc si les dirigeants qui sont au-dessus de nous sont des dirigeants injustes, c'est parce que nous-mêmes on a été injustes, et Allah nous remet, il nous remet des dirigeants injustes pour nous faire goûter une partie de l'injustice qu'on a fait. D'accord? Et s'il nous donnait à l'équivalent de ce qu'on avait fait comme injustice, ce serait plus grand que ça encore. Donc le cheikh il dit fa'alina, hein, fa'alina al-ijtihad. Parce que c'est toujours comme ça. Vous allez même remarquer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent qu'il y a des frères qui remarquent ça. Regarde, par exemple, tu es dans un endroit et il y a beaucoup de facilité au début, tout va bien, hein, les gens en profitent. Puis après, des fois, il y a des gens qui vont exagérer. Il y a des gens qui vont dépasser la limite et qui vont commencer à prendre plus qu'il faut, ou commencer à profiter de la générosité des gens, ou bien de ce qui se fait dans la société de bien. Alors quand les gens vont voir qu'il y a une exagération qui est faite, alors là ils vont commencer à diminuer, ou bien ils vont commencer à limiter, ou bien ils vont commencer à mettre des punitions pour les gens qui dépassent les limites, et ça devient de plus en plus strict, de plus en plus difficile. Hein? Et bien c'est ça qui arrive. Et tout ça, après, par la suite, les gens commencent à se plaindre, à dire, ah, mais regardez, maintenant ça devient dur, avant c'était mieux, avant c'était facile. Et en réalité, c'est bien à cause du mal que les gens ont fait que les choses ont été rendues plus difficiles, puisqu'ils ont dépassé la limite, ils ont exagéré. Mais ils s'en rendent pas compte, juste quand on commence à leur couper la facilité qu'ils avaient auparavant, là ils commencent à réaliser. Commence à dire, ah, oh, mais avant c'était mieux, avant c'était comme ci, avant c'était comme ça, mais c'est de la faute des gens, en fait, c'est la faute aux gens. Quand il y a dans certains pays des gens, au nom de l'islam, ont fait toutes sortes de désordres dans la société, eh bien, ces gens-là, ils ont donné une mauvaise image à ceux qui pratiquent l'islam, eh bien, par la suite, c'est retombé contre tous les autres. Et puis maintenant, quand quelqu'un veut essayer de pratiquer sa religion dans certains pays musulmans, eh bien, on se fait traiter de toutes sortes de noms, et on se fait traiter de façon vraiment mauvaise, à cause justement du mauvais comportement de certains. Donc, al-jaza'u min jins al-amal. Il dit, fa'alayna al-ijtihad fil-istighfar. Il faut donc faire des efforts pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir et de corriger nos actions. Jusqu'à la fin de ce qu'il a dit, le cheikh, dans Sharh al-Aqidah al-Tahawiyyah. وقال أبو بكر المروزي سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. سسي الإمام الخلال dans السنة il cite les paroles de l'imam Abu Bakr al-Marwazi qui dit j'ai entendu Abu Abdullah Ahmed ibn Hanbal qui ordonnait de faire attention au sang des musulmans, de ne pas faire couler le sang des musulmans, et qui dénonçait le fait de se rebeller contre les dirigeants d'une dénonciation très très sévère. Donc il faisait une dénonciation de tout ce qui a rapport avec ces choses-là, d'une façon très très sévère, comme le reste des imams d'Ahle Sunna. Après le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam Ahmed lui-même, qui dit « وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ » وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأن ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع وعلى غير السنة والطريق. Donc l'imam Ahmed il dit dans شرح أصول السنة dans أصول السنة il dit celui qui sort contre l'imam ou le dirigeant des musulmans alors que les gens se sont mis d'accord autour de lui et qu'ils ont accepté son khilafa, de peu importe quelle façon il l'a eu, que ce soit parce que les gens ont été satisfaits de lui ou parce qu'il l'a pris par la force, hein, alors quand s'ils se rebellent contre lui, automatiquement ils ont brisé le bâton de l'autorité de ce dirigeant-là. C'est comme s'ils ont brisé l'unité de la Ummah et ils ont contredit les textes qui ont été rapportés de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Et s'ils meurent, ils meurent dans une mort qui est comparable à celle de la mort dans l'époque de la Jahiliya. Et il n'est pas permis de combattre le sultan, c'est pas permis de combattre le dirigeant, ni de sortir contre lui, de se rebeller contre lui avec les armes pour quiconque parmi les gens. Et celui qui fait ça, c'est un mubtadi' et qui est sur autre que la sunna et autre que sur la voie. Donc ça veut dire que ça c'est les paroles claires de l'imam Ahmed ibn Hanbal qui nous explique et qui nous montre qu'on n'a pas le droit de se rebeller contre le dirigeant, même s'ils sont injustes. Et là, il y a un autre point aussi qui est intéressant dans cette parole de l'imam Ahmed, il dit peu importe comment ce dirigeant-là a eu le pouvoir, que ce soit d'une façon qui est légale ou islamique par la satisfaction des gens de Ahl al-Hill wa al-Aqd, ou bien parce qu'il a pris le dessus sur les autres et qu'il est devenu le dirigeant, on doit l'écouter, l'obéir et ne pas sentir contre lui. Hein? Et ça c'est contraire à l'idée que les gens ont du fait qu'ils disent il faut que le dirigeant soit celui qui a été élu par le peuple et que la population a accepté à la majorité, sinon on n'accepte pas. Et donc ça c'est contraire justement à la démocratie. Après le cheikh il dit « وقال البربهاري ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وإن جار. Donc le cheikh il dit que l'imam al-Barbahari il dit dans شرح السنة que celui qui prend les armes et qui se rebelle contre le dirigeant parmi les dirigeants des musulmans, alors c'est un khariji. C'est un khariji, c'est-à-dire fait partie des gens qui suivent la voie des khawarij parmi les mubtadi'a. Ok? Et les khawarij, ils ont plusieurs caractéristiques. Parmi leurs caractéristiques, c'est que lorsqu'ils voient un musulman qui fait un grand péché, qui commet un grand péché, automatiquement, ils le déclarent kafir, hein, pour avoir fait ce péché-là. Et sinon, il demande aussi aux musulmans de se rebeller contre le dirigeant. Et c'est pas nécessaire qu'ils le fassent nécessairement, c'est-à-dire qu'ils se rebellent avec les armes. Même s'ils le font juste par la parole, ça fait partie aussi de la voie des Khawarij également. Parce qu'il y a un groupe parmi les groupes des Khawarij qu'on appelle Al-Qa'adiyya. Et ceux-là, ils ne font pas de rébellion avec les armes, mais ils incitent les autres à le faire. Et donc, les ulama ont dit que ceux-là sont les pires parmi les catégories de Khawarij. D'accord? Et donc, il y a ce point-là. Et le cheikh, l'imam al-Barbahari, il dit ensuite, quiconque contredit les hasards, donc il dit celui qui sort contre le dirigeant musulman c'est un khariji, hein, et il a détruit l'unité des musulmans et a contredit les narrations qui ont été rapportées à ce sujet là dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles des sahaba et des tabi'in ainsi de suite, et sa mort sera une mort de jahiliya et il n'est pas permis de combattre le dirigeant ni de sortir contre lui et de se rebeller contre lui même s'il fait de l'injustice ou même s'il fait yani de l'oppression, ou c'est-à-dire qu'il opprime son peuple ou autre chose de ce genre, même si c'est un tyran, ou comme ils les appellent, un tyran ou un despote, un dictateur, un despote ou d'autres choses de ce genre. Peu importe, si c'est un musulman, tant qu'il est musulman, on n'a pas le droit de prendre les armes contre lui. Et ça, c'est quelque chose qui est très important de comprendre. L'imam al-Barbahari, c'était un des compagnons de l'imam Ahmad, un des gens qui ont été parmi les élèves de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et il a côtoyé les élèves de l'imam Ahmad également, et il a écrit cette aqida qui fait partie de la aqida de Ahl al-Sunna, qui s'appelle Sharh al-Sunna ou Sharh Usul al-Sunna. Et c'est un livre qui est publié actuellement, qui est publié en arabe, puis il y a des shurouh maintenant qui ont été publiés également de ce livre-là. Il y a le sharh de l'imam Cheikh Ahmed al-Najmi, et il y a le sharh de l'imam maintenant qui a été publié, le Cheikh Saleh al-Fawzan, et il y a d'autres shurouh également. Il y a le livre, ensuite il y a une citation de l'imam al-Ajuri, qui a écrit le livre qui s'appelle Al-Sharia, et c'est un des livres également qui résume la aqida des salaf salih et qui réfute les mubtadi'a. Donc il dit l'imam al-Ajuri, فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي فقد خرج على إمام عدلا كان أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. Donc l'imam al-Ajuri, il dit ici, il faut pas, quand tu vois l'effort de quelqu'un parmi les khawarij, un khariji, quelqu'un qui appelle à faire le takfir des musulmans et à se rebeller contre les musulmans et à se rebeller contre les dirigeants, lorsque tu vois cette personne-là faire des efforts dans la religion ou faire des efforts dans l'ilm ou dans autre chose, et que tu vois qu'il appelle à sortir contre le dirigeant musulman, que ce dirigeant-là soit juste ou injuste, il prend avec lui un groupe de personnes, et il sort son épée, et il rend halal le sang des musulmans, et de combattre les musulmans, alors il ne faut pas que tu te laisses tromper par la façon dont il récite le Coran, ou par la longueur de sa prière, ou bien par le fait qu'il jeûne constamment, ou bien parce qu'il parle bien lorsqu'il parle de science. Il ne faut pas te laisser impressionner par tout ça, parce que si son madhab c'est le madhab des khawarij, tout ça, ça ne vaut rien. C'est comme si il fait ça, mais il ne faut pas que tu te laisses tromper par l'apparence. C'est comme par exemple, aujourd'hui, on pourrait dire, il y en a parmi les khawarij, si tu les vois avec une barbe, avec une apparence qui donne l'apparence de la piété, et donc ils ont l'air vraiment des hommes religieux, mais en réalité, quand tu vois leur madhab et qu'ils appellent à la rébellion contre les dirigeants et à sortir contre eux et ainsi de suite, alors là tout de suite tu sais que malgré ça, malgré tout ce qu'ils ont comme apparence ou comme piété ou comme récitation du Coran ou comme mémorisation des paroles des ulama, même s'ils sont des gens qui ont une grande science dans l'islam, si leur voix c'est la voix des khawarij, il ne faut pas les suivre et il ne faut pas les écouter. Parce que ce sont des mubtadi'a. Et hier j'écoutais une cassette, en fait un cours, une petite réfutation du Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, qui réfutait l'idée de certains parmi les hizbiyins qui ont amené cette chouba. Et il y a un frère qui me l'avait mentionné justement dans un cours, et alhamdoulilah, j'avais répondu à peu près la même façon qu'est-ce que le Cheikh a dit. Mais sauf qu'étant donné que j'étais un petit peu surpris d'entendre cette question du premier coup lorsque je l'ai entendue, alors j'étais pas trop certain de ce que ce frère-là disait, donc je voulais me renseigner. Et comme, alhamdoulilah, hier j'étais sur Sahab, le site Sahab, et j'ai trouvé un frère qui a posté un lien avec cette question-là qui était posée, et la réponse du Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali à ce sujet-là. cette choubha, c'est quoi? C'est qu'il y en a parmi les hezbiyyins et parmi les muqtadi'a, ils disent que, oui, c'est parce que vous connaissez le principe de Ahlus Sunnati wal Jama'a qui dit que la bid'a est plus grave que le péché. Okay? Et que le muqtadi', il est plus grave que le musulman qui fait des péchés. Donc, une fois, il y a un frère qui m'a posé la question, il m'a dit, ouais, mais est-ce que ça c'est général pour tous les péchés et pour toutes les bid'a, ou bien c'est juste spécifique pour, c'est-à-dire certaines bid'a ou des choses en particulier comme ça. Comme par exemple, c'est comme le cheikh il a mentionné dans l'audio, il disait, est-ce que, comme il disait par exemple, quelqu'un par exemple qui fait la bid'a par exemple d'utiliser un tasbih, ou bien de faire le mawlid al-nabawi, est-ce que vous allez dire que celui-là il est plus grave ou il est plus égaré ou plus dangereux que le musulman par exemple qui fait le zina ou bien qui tue ou bien qui fait des péchés comme ça? Et donc à première vue, quand tu entends ça au début, tu peux te dire ouais, mais ça c'est difficile ou c'est compliqué. Est-ce qu'il y a une différence quand quelqu'un fait une petite bid'a et quand quelqu'un fait un grand péché? Est-ce que la bid'a n'est pas moins grave que ce grand péché-là? Et le chef, il a bien expliqué, il a dit, il ne faut pas regarder ça de cette manière-là, il ne faut pas se laisser tromper par l'apparence. Premièrement, il ne faut pas se laisser tromper par l'apparence de la bid'a, qu'elle ait l'air petite ou grande, parce que c'est à partir des petites bid'a qu'on fait les plus grandes. Elle commence petite, et puis elle devient par la suite, à la fin, quelque chose de très très grand, et qui est très très grave et très dangereux. Ça c'est de un. Deuxièmement, non seulement ça, mais c'est qu'il faut regarder à la base, c'est quoi qui est derrière la bid'a. Derrière la bid'a, il y a l'idée que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas complété sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam adina. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a complété, il a parfait cette religion. Et celui qui fait des bid'a, c'est comme s'il est en train de dire « Non, Allah n'a pas bien complété sa religion et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait son travail comme il faut, il n'a pas transmis la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut. » Et donc il faut rajouter des choses à la religion, il faut inventer des nouvelles façons de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, cette idée en soi, c'est une insulte contre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une insulte contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et contre la charia. Et donc c'est beaucoup plus grave que n'importe quel autre péché que quelqu'un pourrait faire. Et tandis que le musulman qui fait des péchés, même s'il fait ce péché-là, il sait, au fond de lui-même, il sait que c'est haram et il peut se repentir. Tandis que le muqtadi', lui, il est en train de penser que qu'est-ce qu'il fait, c'est une adoration et c'est quelque chose qui est bon. Et il pense que ceux qui le contredisent dans cette bid'a, c'est eux qui sont égarés, alors que lui, il est dans la droiture et dans le droit chemin. Donc ça c'est, qu'est-ce qui nous fait comprendre qu'à la base, même si tu dis en apparence, certaines bid'a peuvent paraître plus petites que certains péchés, mais l'idée qui est derrière la bid'a, elle est beaucoup plus grave que le péché que quelqu'un peut faire. Donc tant que le musulman il fait un péché et qu'il ne reconnaît pas ce péché-là comme étant halal, eh bien il reste toujours yani dans les limites de l'islam et dans les limites de la sunna. Il ne sort pas de l'islam, il ne devient pas mubtadi' pour avoir fait un péché. Mais s'il contredit la sunna, il fait des innovations, il rajoute des choses dans la religion, même s'il ne fait pas de péché, eh bien il est plus grave, il est plus égaré que celui qui fait des péchés, puisque la bid'a, déjà en partant de ça aussi, c'est un péché, mais un péché beaucoup plus dangereux et beaucoup plus grave. Donc ça c'est juste pour répondre à cette idée-là, parce que les khawarij, comme les gens les voient à l'extérieur, ils disent « Ah mais non, mais ça c'est des hommes pieux, c'est des hommes de religion, c'est des hommes qui adorent Allah, qui parlent de science, qui sont jaloux, qui ont une raira pour la religion, pour la charia, qui veulent défendre la vérité, qui n'aiment pas que les gens font des péchés, ils veulent dénoncer le mal, dénoncer les fautes des dirigeants et des hommes qui ont une autorité. Même ils vont même contre les ulama, ils attaquent même les ulama au nom de vouloir ordonner le bien et de vouloir interdire le mal, et ils les déclarent même parfois kuffar, parce qu'ils disent bon ben, puisque puisqu'ils ne déclarent pas les dirigeants Kuffar, donc ça veut dire qu'ils sont avec eux, et puisqu'ils sont avec eux, ils n'ont pas déclaré, ils n'ont pas renié le Tarout, et donc ce sont des Kuffar. Ça c'est leur logique, mais c'est une logique complètement fausse et complètement à l'envers, parce qu'elle n'a pas de logique, c'est pas une logique réellement, c'est une Shubha, hein, et c'est la voie des gens de l'égarement. Ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé les chiens de l'enfer, hein, ou les chiens du feu de l'enfer, kilab al-nar. Donc c'est très important de faire attention à ces gens-là et de ne pas se laisser tromper ou tomber dans leur erreur à cause de ces principes-là. Il y en a parmi eux qui vont dire, par exemple, ils vont dire, ouais, ben regardez, nous on ne dit pas que, nous on ne dit pas comme les Khawarij, eux ils disaient que les gens qui étaient à l'époque, c'était des kuffars, alors qu'ils appliquaient la charia. Nous, aujourd'hui, on ne dit pas ça, puisque les dirigeants d'aujourd'hui, ils n'appliquent pas la charia. Donc, ce n'est pas la même chose. Et en réalité, c'est la même chose. Puisque les khawarij de l'époque des sahaba et de ceux qui sont venus après, ils déclaraient les sahaba kuffars en disant qu'ils n'appliquaient pas la charia comme il faut. Alors, si les sahaba n'appliquaient pas la charia comme il faut, qui par la suite va l'appliquer mieux que les sahaba? Donc, s'ils sont capables de déclarer kuffar, les sahaba, ils sont capables de déclarer n'importe quel autre musulman par la suite kuffar, puisque les meilleurs de la Ummah, c'est les sahaba. Et ceux qui ont le mieux appliqué la sharia, c'était les sahaba. Donc, s'ils étaient capables de déclarer les sahaba kuffar, eh ben, il n'y en a pas un parmi nous qui est épargné de ce takfir, hein, de la part des khawarij, hein. Et même, il y a des ulama qui ont dit les khawarij d'aujourd'hui, sont beaucoup plus graves, beaucoup plus égarés que ceux de l'époque. Puisque les Khawarij à l'époque, c'était des gens qui étaient des hommes, malgré tout, ils étaient, quand ils n'étaient pas d'accord avec quelqu'un, ils allaient le combattre et l'affronter face à face, et ils n'avaient pas peur de faire ces choses-là. Tandis qu'aujourd'hui, ils utilisent des moyens et des méthodes tellement lâches, tellement malhonnêtes, ils font exploser des gens, des maisons, des bombes, des constructions, ils font des attentats suicides et des trucs de ce genre. Et donc, leur mal est beaucoup plus grand aujourd'hui que le mal qu'ils faisaient à l'époque. Et même s'ils essaient de couvrir ça avec l'idée de démocratie, puis le discours de démocratie, puis de laïcité, puis d'ouverture, puis de liberté, puis de liberté d'expression, liberté de discours et tout ça, c'est la même bid'a qui est à la base de tout ça. Le fait de croire qu'il faut enlever le dirigeant du pouvoir lorsqu'il n'est pas en accord avec la justice ou ce qu'il prétend eux comme étant la justice. Parce que pour les Ikhwan, la justice, c'est pas nécessairement la même chose que pour qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Ensuite, le Cheikh mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit, وقال Ibn Taymiyyah, ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. Ça c'est les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Minhaj al-Sunna, le volume 3, à la page 391. Donc ici, juste avant de mentionner cet exemple, mais aussi parmi les points que les Khawarij mentionnent, ils disent à l'époque des ulama, à l'époque des salaf, les dirigeants ils jugeaient selon la charia. Et aujourd'hui, c'est pas pareil, ils ont amené d'autres lois qui sont complètement contraires à l'islam, et ainsi de suite. Premièrement, ces lois-là dans les pays musulmans d'aujourd'hui, la plupart du cas dans la plupart des pays musulmans, ces lois-là n'ont pas été mises en place par les musulmans. Elles ont été mises en place durant la colonisation par les kuffars. Ça, c'est de un. de deux. L'imam Ahmed ibn Hanbal, à son époque, il y avait eu la fitna de Khalq al-Qur'an. Et il y avait plus que 500 parmi les imams d'Ahl-Sunna qui ont déclaré que quiconque disait que le Qur'an était créé, que c'était un kafir. Ils ont dit, celui qui dit al-Qur'an makhlouq, fa huwa kafir. Ça, tu peux le trouver cité par les imams d'Ahl-Sunna, plus que 500 parmi les imams qui l'ont mentionné, comme l'imam al-Lakai et d'autres dans d'autres livres également. Et l'imam al-Nawawi, l'imam ibn al-Qayyim, Al-Jawziya, il le mentionne dans Al-Nouniya de cette façon. Donc c'est pour dire qu'il y a un nombre incroyable de savants qui ont déclaré les Jahmiyyah kuffar. Malgré ça, l'imam Ahmad n'a pas déclaré Al-Mu'tasim wal-Wathiq wal-Mu'tasim Al-Ma'moun, il ne les a pas déclarés kuffar, alors que c'était des khulafa qui disaient Al-Qur'an makhlouq. Hein? Donc, comment dans ce cas-là tu peux dire, pour l'imam Ahmed, tu dis, alors que les imams sont tous d'accord pour dire que celui qui dit ça c'est un kafir, mais il n'a pas appliqué ce verdict-là sur le dirigeant, alors que lui-même il le disait Al-Qur'an makhlouq. Ça c'est pas un kufr bawah? Hein? Non, parce que dans ce cas-là, il y avait de l'ignorance ou des shubuhat ou des choses qui ne sont pas comprises comme il faut dans ces paroles-là, et donc ils étaient excusés pour ça. Et les questions aujourd'hui que les gens suivent, parmi les dirigeants qui suivent par exemple les principes ou les idées des kuffars aujourd'hui, la plupart d'entre eux ils ne comprennent même pas la réalité de l'islam dans ces gens-là, et ils ne comprennent même pas non plus la réalité de ces principes démocratiques et de ces choses-là. On leur a dit, ça c'est la justice. Ça c'est la justice, donc il faut la suivre. Et parfois même, on leur impose d'appliquer ces systèmes-là dans leur pays, alors qu'eux n'en veulent pas. Donc ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc ça c'est des exemples. Comment ces gens-là sont précipités à faire le taksir. Après le chef, il a mentionné les paroles de l'imam Ahmed et de Ibn Taymiyyah, et on va le lire ensemble en français, qu'est-ce que ça signifie. Il dit, c'est bien que c'est quelque chose de qui est très connu, qui est mashhour, c'est célèbre chez les gens, que la voix d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils considèrent qu'on ne doit pas sortir contre les dirigeants et de les combattre avec l'épée, même s'il y a de l'injustice en eux, comme cela a été indiqué dans les hadiths authentiques qui sont très très nombreux à ce sujet-là, il y a des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la corruption et le désordre qui en résultent, et la fitna qui en résulte, est plus grande que la corruption et le mal et l'injustice qu'on veut enlever. Le fait que, par exemple, tu veux les enlever, ça va faire plus de désordre que le fait de l'injustice qui est présente avec ces dirigeants injustes-là, sans combat et sans fitna. Donc le fait d'essayer de les enlever, ça va rajouter du mal, et non pas le diminuer. Et le cheikh il dit, « فَلَا يُدْفَعْ أَعْلَمُ الْفَسَدَيْنِ بِالْتِزَامِ أَدْنَاهُمَا بِالْتِزَامِ أَدْنَاهُمَا وَلَعَلَّهُ لَا يَكَادْ يُعْرَفُ طَائِفَةٌ خَرَجَتْ عَلَى ذِي سُلْطَانِ إِلَّا وَكَانَ فِي خُرُجِهَا أُسِفَةٌ. Donc il dit, tu ne dois pas repousser un mal par un mal qui va être plus grand, en gardant s'il y a deux mal, ben tu vas pas essayer de dire, bon, on va repousser ce mal-là par un mal qui est plus grand. Ça se fait pas. Et tu peux pas trouver un groupe de gens qui ont essayé de sortir contre un dirigeant, excepté que tu vois que le désordre qui a été comme résultat, le résultat de cette rébellion-là a toujours été un désordre plus grand que celui qu'on a voulu enlever. Et ça, c'est mentionné dans Minhaj al-Sunnah, comme on l'a dit tout à l'heure. قال ابن مفلح ولا ينكر أحد على السلطان إلا وعظا له وتخويفا وتحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب ويحرم بغير ذلك. وذكره القاضي وغيره. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Muflih, qui était un des élèves de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son livre Al-Adab al-Shar'iyya. Et Ibn Muflih il dit que on ne doit pas dénoncer les actions du dirigeant, excepté en lui faisant une exhortation et en l'avertissant et en essayant de lui faire peur, c'est-à-dire de lui donner, pas de lui faire peur, mais en lui amenant, essayer de mettre la crainte d'Allah dans son cœur, en lui mentionnant les conséquences de ses actions dans la dunya et dans l'akhira. Donc ça c'est bien entendu pour le dirigeant qui est injuste lorsqu'il fait du mal, c'est une obligation pour les savants de l'islam lorsqu'ils sont capables de lui donner le nasiha et de l'avertir, d'aller près de lui puis de lui donner le conseil en privé, de leur dire de craindre Allah et de leur rappeler des conséquences de leurs actions dans cette dunya et dans l'akhira. Ça c'est obligatoire, mais il dit c'est uniquement de cette façon là qu'on peut le faire, en leur faisant des exhortations, puis en les avertissant, puis en leur rappelant de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Mais autre que ça, c'est interdit, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le faire par l'épée ou d'autres façons de ce genre. Et ça c'est rapporté par Al-Qadi et d'autres également. Donc ensuite le Cheikh il dit, وقال الشوكاني dans Sayl al-Jarrar, le volume 4 à la page 556, il dit, وقال الشوكاني لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بهوا في الظلم. Le Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi il dit, وكذا بالأصل والظاهر بلغوا والله أعلم. Donc le Cheikh il dit, par rapport aux paroles de l'imam الشوكاني, il dit, ولا يجوز الخروج على الأئمة وإن بهوا في الظلم أي مبلغ ما أي مبلغ أي مبلغ في ولو بغوا في الظلم أي مبلغ. Tout ça le chef il dit وإن بلغوا, parce que dans le contexte on dirait qu'il manque un lame, non sinon ça serait وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ, et comme ça fait du sens. Donc le chef il dit ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر بواح ولا حديث الواردة في هذا المعنى متواترة, ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله وأن يعصيه في معصية الله, فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Donc dans Sayl al-Jarrar, le volume 4 à la page 556, il dit on ne doit pas sortir ou se rebeller contre les dirigeants, peu importe l'injustice qu'ils ont atteint, peu importe le niveau d'injustice qu'ils ont atteint, tant qu'ils ont établi la salat, du moment que on ne voit pas apparaître de leur part une forme de kufr clair. Et les hadiths à ce sujet-là sont très nombreux. Il y a beaucoup de hadiths qui sont rapportés et qui sont mutawatira, c'est-à-dire ils ont atteint le niveau de tawatur, c'est-à-dire c'est un très très grand nombre de hadiths qui mentionnent ce principe-là. Mais et donc il dit que le roi il a des oui, les sujets ou bien yani les gens qui sont sous l'autorité de ce dirigeant là leur devoir à eux c'est d'obéir aux dirigeants dans l'obéissance d'Allah et de désobéir aux dirigeants dans la désobéissance d'Allah. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance au Créateur dans la désobéissance du Créateur. قلتُ وكلُ ما تقدَّمَ ذكرُهُ ما هو إلا غيرٌ من صيدٍ من كلام السلفين الصالح في تقرير هذا المنهج السليم المأخوذ من عدة أحاديث منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم, واللفظ للبخاري. وأخرج مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيعناه, فكان فيما أخذ علينا وبايعنا على السم فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان قال النووي والأثرة هي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمر بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. Donc le chef il mentionne, ensuite il dit tout ce qu'on a mentionné, c'est juste un exemple parmi beaucoup d'autres, parmi les paroles des salaf salih à ce sujet, qui explique que le manhaj qui est correct à prendre yani à ce sujet-là, c'est celui-là. Et il mentionne que ça c'est basé sur plusieurs hadiths authentiques. Parmi ces hadiths-là, il y a le hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il y aura après vous Asara ». Il y aura après vous Asara. Et plus tard, il mentionne quelques lignes après les paroles de l'imam al-Nawawi qui explique qu'est-ce que c'est Al-Asara. C'est-à-dire que les dirigeants qui vont être en place sur vous, yarhamukallah, les dirigeants qui vont être au pouvoir contre vous, au-dessus de vous, ils vont se donner des privilèges dans la dunya. C'est-à-dire qu'ils vont garder toutes les bonnes choses de la dunya pour eux, puis ils ne vont pas vous donner votre part de ce qui vous revient de la dunya. Donc, ça c'est qu'est-ce que ça veut dire al-asara. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, satakunu asara. Il va y avoir ce genre d'attitude-là de la part de vos dirigeants qui vont prendre des privilèges de la dunya, ils ne vont pas vous donner ce que vous méritez de la dunya. Et il va y avoir d'autres choses également que vous n'aimez pas, que tunkirunaha. Tunkirunaha, c'est-à-dire vous dénoncez ces choses-là, vous êtes contre ces choses-là. Alors les sahabes ont dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire à ce moment-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, vous donnez le droit qui vous appartient, le droit qui vous est obligatoire de donner, vous le donnez, et pour qu'est-ce qui vous revient à vous, vous le demandez à Allah. Vous le demandez à Allah. Donc, ça c'est l'attitude qu'on doit avoir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est obligatoire pour nous de donner, notre devoir de le donner, on le donne, parce que ça c'est notre obligation à nous, mais pour qu'est-ce que le dirigeant doit nous donner, et que s'il ne nous donne pas, on le demande à Allah. On demande à Allah de nous donner notre justice, et de nous donner notre droit. On ne va pas se rebeller pour essayer de le prendre nous-mêmes, hein, par la force, contrairement à ce que font les gens qui appellent à la rébellion, ou qui appellent à la révolution, ou qui appellent à la justice sociale en suivant la voie des socialistes et des choses de ce genre, ou qui appellent à la démocratie, des trucs de ce genre, comme ils ont fait à la Révolution française. Hein. Ils ont dit, ah, mais on n'a plus de pain, le roi, il fait ci, il fait ça, donc on fait la Révolution. Donc, ils ont pris tous les nobles, les rois et tout, ils ont coupé la tête à tout le monde, et puis ils ont pris la guillotine, là. Ils ont coupé la tête à tout le monde, et puis après ils ont dit, bon, ça y est, maintenant c'est nous, le peuple, qui avons la souveraineté, l'autorité du Bien sûr, après c'est revenu comme c'était avant. Et même aujourd'hui, vous voyez que la France, comment elle est aujourd'hui. Est-ce que les gens sont contents plus qu'avant? Ils vont dire, ah ouais, mais c'est mieux, aujourd'hui on a ci, aujourd'hui on a ça. Moi je trouve que c'est la même chose, hein, encore. Ouais. Ils ont encore cette nostalgie-là. Parce que l'Angleterre, ils ont gardé leur roi, la Belgique, ils ont gardé leur roi, l'Espagne, ils ont encore gardé leur roi, tous les autres pays d'Europe, presque, ils ont encore leur monarchie, même si elle n'a plus d'autorité, ou en principe, elles n'ont plus d'autorité. Mais la France, eux, ils les ont tués, leur roi, hein, soi-disant. Ils ont coupé la tête. Mais, en tout cas, c'est juste pour dire. On sait jamais, peut-être c'est quand même eux comme la reine d'Angleterre. C'est encore elle la reine. Mais ils disent qu'elle n'a pas d'autorité, mais Allahu A'lam. Des fois, on se demande vraiment, est-ce que c'est pas encore eux qui dirigent indirectement tout ce qui se passe dans ces sociétés-là. En tout cas, c'est sûr que quelqu'un en 4 ans ne peut pas faire grand-chose sur des grandes idées. Allah musta'an. Donc, ça c'est juste en passant pour dire que ces gens-là, ils veulent appliquer une voie qui est contraire à la voie de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, vous avez un droit, on sait, la commission des droits de la personne aujourd'hui, là. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont à leur bouche? Ils ont juste les droits, c'est notre droit, on veut notre droit, donnez-nous notre droit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous avez des devoirs, remplissez vos devoirs, que Allah vous a ordonné de rendre. Si des gens ont des droits sur vous, donnez-leur leurs droits à eux, donnez à eux le droit qu'ils ont sur vous. Mais si vous voulez votre droit et qu'on vous le donne pas, demandez-le à Allah. Ce n'est pas des révoltes, ce n'est pas des rébellions, ce n'est pas des ci, ce n'est pas des ça. Non, demandez à Allah et mettez votre patience et votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la voie d'Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Et ce hadith-là, c'est la narration ou la version de l'imam al-Bukhari dans le kitab al-Fitan. Et l'imam muslim dans le kitab al-Imara. Vous trouvez ce hadith. Après, il mentionne le hadith rapporté par muslim selon Ubadat ibn al-Samit qui dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appelé et nous a demandé de faire une allégeance, ou de lui faire un serment d'allégeance, c'est-à-dire de prendre notre allégeance. Et parmi les clauses de cette allégeance ou de ce serment qu'on a pris avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on a donné l'allégeance qu'on allait l'écouter et l'obéir dans les choses qu'on aime et dans les choses qu'on n'aime pas, dans la facilité et dans la difficulté, et même si c'est à notre dépens, c'est-à-dire même si c'est dans le fait qu'on on prend, même si c'est dans cette obéissance-là va être à notre dépens, et que ceux qui vont être au-dessus de nous parmi les dirigeants vont se donner des privilèges au-dessus de nous, on doit quand même les obéir et ne pas retirer notre main de l'autorité qu'ils ont sur nous. Excepté si on voit un kufr qui est bawah, c'est-à-dire un kufr qui est clair, évident, comme le ciel, comme le soleil en plein jour. C'est un kufr là qui n'a pas de doute, au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une preuve claire dans le Coran et dans la Sunna qui dit ça c'est un kufr, et qu'on le voit clairement et que ce soit apparent à tout le monde et que tout le monde le sache que ça c'est kufr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc ça c'est, dans ce cas-là, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'écoute dans des cas comme ça. Après, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Nawawi qui dit que wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ça va très bien, alhamdulillah. Le chat il était dehors, on l'a fait rentrer. Il avait faim. T'aurais dû le voir. Le cheikh il dit, l'imam al-Nawawi il a dit al-Athara, c'est-à-dire tu prends les privilèges des choses de la dunya, donc même si tu vois que des gens se donnent des privilèges sur toi dans les choses de la dunya, eh bien il ne faut pas enlever ta main de l'obéissance, écoute et obéis, même si ces gens-là se prennent plein de privilèges dans la dunya, et qu'ils ne vous donnent pas votre droit parmi les choses qui vous appartiennent, parmi les droits que vous avez dans la dunya. Ça c'est rapporté dans le Sharh de Sahih Muslim. Après, le cheikh il mentionne le hadith de حذيفة بن اليمان. Il dit, أخرج مسلم أيضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجعل الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قال قلت وهل وراء ذلك الشر من خير أو خير؟ قال نعم. قلت وهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يهتدون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أسمع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وأطيع. Donc le cheikh il mentionne ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans Kitab al-Imara. C'est un hadith très célèbre. Il y a d'autres narrations de ce hadith. Dans cette narration-là, il dit que l'imam Muslim a rapporté le hadith selon Hudhayfa ibn al-Yaman. Hudhayfa a dit au messager d'Allah, Allah nous a amené un bien. Non, il dit nous étions dans un mal. Et Allah nous a ramené ce bien. Et nous sommes dans ce bien, c'est-à-dire dans l'islam. Est-ce qu'après ce bien, il y aura quelque chose de mal? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Il a dit, et est-ce qu'après ce mal, il y aura un bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Après, il dit, et est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal encore? Il a dit oui. Alors il dit, comment? C'est-à-dire, décris-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura après moi des gens, des chefs qui vont vous diriger, qui ne vont pas suivre ma guidance. Hein, et qui ne vont pas prendre ma sunna, hein, qui ne vont pas prendre ma sunna comme exemple. Et il y aura parmi eux des hommes, leurs cœurs sont des cœurs de diable dans des corps d'êtres humains. Donc leurs cœurs sont des cœurs de diable dans des corps d'êtres humains. Hudhayfa ibn al-Yaman il a dit, et qu'est-ce que je dois faire au messager d'Allah si j'arrive à cette époque et que je rencontre ces gens-là? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu écoutes et tu obéis à ton dirigeant. Même s'il te frappe le dos, et même s'il prend tes biens, écoute et obéis. Donc ça c'est un hadith authentique. Dernièrement, il y a un frère de la France qui, comme je disais la semaine passée, il vient de la ville de Meaux. Hein, et il y a un imam là-bas qui faisait une khutbah de Jumu'ah. Subhanallah. À la fin de la route, il dit, ouais, je le sais, les frères, nos parents, ils étaient éduqués comme ça, nous, on était éduqués comme ça, tu dois pas parler, il faut pas parler. T'écoutes et t'obéis, même si on te frappe le dos, même si on prend tes biens. Il dit, ouais, mais non, nous, on va parler. Donc, moi, j'écoutais ça, je me dis, Allah musta'an. Tu vois, ces gens-là, ils savent le hadith en plus, et ils disent, on va faire le contraire de ce hadith. Donc ça c'est exactement les gens qui sont voilés dans leur passion là, parce qu'ils parlaient de la Palestine et de tout ce qui se passe là-bas, et là tu vois qu'ils disent non, on va parler, on va faire du bruit, on va bouger, et ainsi de suite. Tu dis Allah musta'an, tu vois, les gens ils connaissent le hadith et ils vont contre le hadith, ça c'est la voix des khawarij. Subhanallah. Et clair, exactement. Et puis tu les vois, ils ont sorti, ils ont fait les manifs. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. Juste parce qu'ils ont bougé, ils pensent qu'ils ont fait quelque chose. Mais non, ça n'a rien changé de toute façon. Donc, la façon de changer ou d'aider la situation, c'est de bouger dans les choses qui sont permises. Hein? De donner de l'argent aux musulmans qui ont besoin. Les dirigeants, eux, ils sont capables de faire quelque chose beaucoup plus que nous. Nous, on n'a pas d'autorité, on n'a pas de pouvoir, on ne peut pas changer quoi que ce soit. Mais eux, ils ont le pouvoir. Ils sont capables de rentrer en négociation avec ces gens-là, là-bas, qui font le désordre et le mal, et ils sont capables de leur dire, écoutez, il faut faire une entente, il faut arrêter ça, ça peut pas. Exactement. Donc, on n'a pas le choix, de toute façon, d'être patient. Et la meilleure chose, hein, c'est le dua. La meilleure chose, c'est le dua. Et les gens pensent que quand tu leur dis le dua, c'est juste des paroles, ça pour rien. Ça c'est parce qu'ils n'ont pas compris l'importance du doigt. Après le cheikh dit, قال ابن تيمية رحمه الله تعليقا على هذا الحديث فتبين أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان سواء كان عدلا أو ظالما. Le cheikh dit, ابن تيمية il a dit, comme commentaire par rapport à ce hadith-là, il a dit, ça c'est rapporté dans Minhaj al-Sunna, le volume 1, à la page 561, il dit, on voit clairement dans ce hadith que le dirigeant qui est obéi, c'est celui qui a l'autorité, peu importe qu'il soit juste ou injuste. Voilà l'explication de Ibn Taymiyyah. Après, l'imam al-Nawawi, il dit, قال النووي أما الخروج عليهم الولاة وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرت بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أن لا ينعزل السلطان بالفسق. Donc le Cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Nawawi ici qui dit l'imam al-Nawawi dit en ce qui concerne le fait de se rebeller contre les dirigeants et de les combattre, ça c'est haram selon le consensus des musulmans, même si ce sont des pécheurs injustes. Hein, et on a vu que c'est apparu de façon très claire dans les hadiths et dans les significations de ce que j'ai mentionné. Et les gens de la sunna se sont mis d'accord, il y a une ijma sur le fait qu'on ne peut pas retirer du pouvoir un dirigeant à cause de son péché ou à cause de sa corruption ou de son injustice ou des choses de ce genre. Donc, bilfisq, c'est-à-dire le péché. Et le cheikh il met une note à cette parole-là, il dit « تأمل هذا جيدا يا عبد المجيد أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق إن كنت منهم » Il met une note exprès pour Abdel Majid al-Zindani. Il lui dit « Médite bien comme il faut sur cette parole » de l'imam al-Nawawi, il dit « Les gens d'Ahl al-Sunnah sont tous d'accord qu'on ne peut pas retirer un dirigeant à cause d'une injustice. » Regardez nos frères en Afrique de l'Ouest, nos frères dans différents pays, dans les pays musulmans. Beaucoup d'entre eux n'ont pas été informés ou éduqués ou renseignés des questions qui ont rapport avec la position de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a vis-à-vis des dirigeants injustes. Et donc, beaucoup d'entre eux, vous les voyez intéressés ou penchés vers les mouvements qui appellent les gens à la rébellion et au coup d'État et à ce genre de choses, et ils ne connaissent pas la position islamique à ce sujet-là. Et donc, ils tombent parfois dans toutes sortes de formes de transgressions et d'injustices, par ignorance souvent. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui suivent le manhaj aujourd'hui, qui est le manhaj des Khawarij, mais ils ne savent pas que ça c'est le manhaj des Khawarij. Parce que la façon qu'on leur a présenté ça souvent, c'est parce qu'on leur a dit que ça c'était la voie de l'islam. Parce que les Ikhwan, ils leur ont menti depuis des années, depuis des siècles, des décennies comme ça, ils leur ont menti, ils leur ont fait croire que la voie de l'islam c'était ça. Et beaucoup de jeunes, quand ils rentrent dans l'islam, parfois, ils rentrent avec des ikhwan, et c'est ça qu'on leur enseigne. On leur enseigne qu'il faut détester les dirigeants, il faut se rebeller contre eux. Exactement, la haine des dirigeants. Et que tous sont des hypocrites, qu'il n'y a pas de gouvernement musulman, qu'il n'y a pas d'islam nulle part sur la terre. Ils font le takfir de la même façon que c'est Qutb et ceux qui l'ont suivi. Et donc les jeunes, ils ont grandi comme ça, détester les dirigeants, détester ceux qui sont au pouvoir, de ne pas faire confiance à personne, ni aux ulama, ni à personne. Donc ils sont dans l'égarement total. Ils savent plus où se tourner. Et c'est comme ça qu'ils tombent dans l'extrémisme et dans l'égarement. Ou bien ils tombent dans l'autre côté, dans le péché, dans le haram, dans la mécréance même parfois. Ils vont vers d'autres extrêmes à cause de ça. Hein? Et donc ça, c'est le danger de l'ignorance. Le Cheikh il dit ensuite قلت وعلى هذا المنهج القويم سار علماؤنا في الوقت الحاضر وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله فقد سئل حول هذا الموضوع فأجاب. Donc le Cheikh il dit les manhaj, ça c'est le manhaj de nos ulama à l'époque actuelle aujourd'hui, et à la tête de ces ulama le Cheikh عبد العزيز ابن باز رحمه الله. On lui a posé la question à ce sujet là et il a répondu. Et il y a un frère qui mentionnait justement un fait, et c'est vraiment triste en même temps, c'est qu'il disait, les événements qui se sont passés dernièrement à Gaza ont fait sortir dans certains endroits, dans les pays musulmans, ça a fait sortir la réalité de certaines personnes qui cachaient des manahij et des idées contraires à la position des salaf salih. Et on les croyait auparavant salafis. Mais avec les événements, ils ont commencé à sortir leurs vraies pensées, leurs vraies idées. Hein? Et à chaque fois qu'il y a une fitna dans le monde musulman, c'est ça qui arrive. Toujours ceux qui sont sur le droit chemin, on les reconnaît. Puis ceux qui sortent leur vrai visage, là on les reconnaît aussi à ce moment-là. Le Cheikh, il dit, les paroles de Cheikh Bin Baz, hein? il dit Alhamdulillah Rabbil Alameen wa sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd, faqad qala Allah azza wa jalla ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli al-amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. هذه الآية تنص على وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف. النصوص من السنة تبين المعنى وتفيد الآية بأن المراد طاعتهم بالمعروف، فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمر في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، ولكن لا يأتي الخروج عليهم بأسبابها، فلا يطاعون في المعصية ولكن لا يأتي الخروج عليهم بأسبابها، لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا من معصية الله أو من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته من طاعة من طاعة، فإن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره في اليسر والعسر والمنشط والمكره إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وسأله الصحابي يا رسول الله لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، قالوا فما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. فإن عبادة قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. Donc le cheikh il fait un résumé de tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant en fait. Le cheikh Ibn Baz rahimahullah il dit louange à Allah, Seigneur des mondes, et paix et salut sur son messager et sur ses fidèles et ses compagnons et ceux qui ont été guidés par sa guidance. Ensuite il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 59 dans surat An-Nisa, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Donc tous ces versets-là, c'est une indication de l'obligation d'obéir aux dirigeants, et ce sont les dirigeants et les savants de l'islam. Et il a été également mentionné dans la sunna authentique, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plein de hadiths qui mentionnent cette obligation d'obéir aux dirigeants, et que c'est une obligation de les obéir dans le bien. Et les textes de la sunna sont clairs et clarifient cette signification-là. Et ils indiquent tous que l'obéissance des dirigeants doit être dans le bien. Et donc c'est obligatoire aux musulmans d'obéir aux dirigeants et d'ordonner le bien, d'obéir aux dirigeants dans le bien et non pas dans le péché. Et donc lorsque les dirigeants ordonnent un péché, il ne faut pas les obéir dans ce péché. Mais si les dirigeants font un péché, il ne faut pas les obéir dans le péché. Wala ya'ti al-khuruj 'alayhim bi asbabiha. Et on ne doit pas sortir ou se rebeller contre eux à cause de ces péchés-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, celui qui voit de son dirigeant quelque chose de désobéissance à Allah, un péché, il doit détester ce péché. Il doit détester ce péché. Et il doit détester ce que cette personne fait comme désobéissance à Allah, mais il ne doit pas retirer sa main de son obéissance. Parce que celui qui retient sa main de son obéissance, c'est comme s'il s'est séparé de la jama'a. Il s'est séparé de la jama'a et il meurt dans un état de l'ignorance. Dans un état d'ignorance. Ou de jahiliya. Donc, dans ce hadith-là, il y a l'indication. Quand tu vois, par exemple, un dirigeant et on te dit qu'il a fait un péché, ou tu vois qu'il fait un péché, tu détestes ce péché-là dans ton cœur, mais tu ne dois pas ramener le fait que tu vois ce péché-là, tu ne dois pas dire « Ah, je ne vais plus l'obéir » ou bien « Je rejette son autorité ». Ça, c'est une erreur. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de jeunes, c'est ça ce qu'ils font. ils voient un péché et puis ils disent ah, un tel roi ou un tel président ou un tel gouverneur a fait ce péché-là. Et il va le dire à tout le monde pour que les gens détestent ce dirigeant-là. Ça, c'est contraire à l'islam, c'est contraire à la sunna. Maintenant, les ulama d'Ahl sunna, ils disent, si tu vois un dirigeant qui fait un péché, tu as le droit de dénoncer le péché et de dire, ce péché-là, ça, de faire un péché comme ça, c'est haram. Comme par exemple, si tu vois un dirigeant qui boit de l'alcool, est-ce que tu vas aller sur le même bas, tu vas dire, oh les musulmans, j'ai vu un dirigeant qui buvait de l'alcool et voici son nom et il a fait ça devant tout le monde. Est-ce que ça c'est correct? Ou bien plutôt, les ulama, on voit qu'est-ce qu'ils font. Ils font pas ça. Et les ulama, ils montent sur le minbar et ils disent, oh les musulmans, faites attention, ne tombez pas dans qu'est-ce qui est haram, ne buvez pas de l'alcool. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'alcool dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit l'alcool dans les hadiths. Et là, il mentionne les preuves. Et là, il clarifie le péché et il montre les conséquences négatives de l'alcool. Et il dit aux musulmans de craindre Allah et de s'éloigner du péché. Sans dire un dirigeant a fait ça. Ou sans dire un tel a fait ça. Pour que les gens sachent que même si le dirigeant l'a fait, ce n'est pas la preuve que c'est permis. Comme par exemple, si dans un pays musulman il y a des banques avec du riba, eh bien, le savant de l'islam, il ne va pas monter sur le minbar pour dire aux gens « Oh, vous êtes dans un pays, le dirigeant, il permet les banques, il permet ci, il permet le riba, ça c'est haram, il ne faut pas faire ça. » Non, le dirigeant, le savant de l'islam, il va monter sur le minbar, il va dire « Le riba c'est haram, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a interdit dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interdit dans les hadiths, ceux qui font ça, voici la punition qu'ils vont avoir dans l'akhira, voici les dangers de ça, voici les conséquences de ça. » Et là, il clarifie pour les musulmans, il dit « Craignez Allah, éloignez-vous de ça. » Ils ne vont pas dire le nom du dirigeant ou le pays, ou de dire « ça c'est la politique » ou les choses comme ça. Parce que les gens qui entendent ça après, ils ne vont pas savoir des fois comment réagir. Et ils vont commencer à perdre confiance en le dirigeant. Et ça va amener plus de mal que de bien. Et donc, il faut éviter ce genre de choses. Donc, il faut détester ce péché-là, mais il ne faut pas amener, faire en sorte que ça nous amène à enlever notre main de son obéissance. Ensuite, il a mentionné le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, que quelqu'un doit écouter et obéir le dirigeant, dans ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, dans la facilité comme dans la difficulté, et quand il est motivé, quand il est en train de faire quelque chose qui lui déplaît, hein, tant qu'il n'est pas ordonné de faire un péché. Et si on lui ordonne de faire un péché, alors il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance. Donc s'il te dit, le dirigeant te demande à toi, va tuer celui-là. Et tu sais que lui, il n'a pas mérité de se faire tuer. Alors, tu n'as pas le droit de l'obéir, parce que c'est un péché. Hein? S'il te dit, par exemple, fais telle chose qui est haram. Hein? Je veux que tu ailles, par exemple, m'acheter de l'alcool. Tu dis non. Je t'obéis dans tout, mais je ne t'obéis pas dans ça. Hein? Donc, ça, c'est des exemples. Après, Cheikh, il donne un exemple encore, un hadith qu'on a lu tout à l'heure. C'est lorsque tu vois des, il dit, le prophète Sansa m'a dit, il va y avoir des dirigeants qui vont venir, certaines choses qu'ils vont faire, vous allez reconnaître comme étant bonnes, et d'autres, vous allez voir que c'est des choses mauvaises. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Les sahabis ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire au messager d'Allah? Il a dit, vous donnez le droit que vous avez à donner, votre devoir, hein, qu'est-ce qui est un droit sur vous, que vous avez à donner aux gens, donnez-le. Si c'est un droit du dirigeant, donnez-le au dirigeant. Mais pour vos droits à vous, demandez-les à Allah. Ensuite, il mentionne le hadith de Ubadah ibn Samit qui dit « Ne disputez pas l'autorité à celui qui la détient. » Et ça, c'est des choses parmi les choses que, lorsque Ubadah ibn Samit avait donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une des clauses. C'était de ne pas disputer l'autorité à celui qui détient l'autorité. Des fois, il y a toujours ces genres de catégories de personnes que lorsqu'il y a un dirigeant, ils ont de la jalousie, ou bien pour d'autres raisons. Ils veulent pas que ce soit lui qui donne les ordres, ils veulent que ce soit eux qui soient au pouvoir. Ils veulent que ce soit eux qui disent aux gens quoi faire. Et quand eux, ils se font dire quoi faire, ils n'aiment pas ça, ça les énerve. Hein? Alors, ils veulent jamais obéir et ils veulent toujours disputer l'autorité à celui qui détient l'autorité. Parce que dans son cœur, il a quelque chose contre lui, ou bien contre son autorité. Alors, le prophète s'en a dit, ne retirez pas votre main de son autorité. Il a dit, sauf si vous voyez Ne disputez pas l'autorité à celui qui la détient, excepté si vous voyez un coffre qui est clair, au sujet duquel vous avez une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais une preuve évidente et claire. Et donc, le cheikh dit, وَهَذَا يَدُلْ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَجُوزُ أَنَّهُ لَا أَنَّهُمْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ مُنَازَعَةُ وُلَاةِ الْأُمُورِ مُنَازَعَةُ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَرَوْا كُفْرًا بَوَاحٍ عِنْدَهُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ وَمَا ذَكَ إِلَّا لِأَنَّ الْخُرُوجُ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ يُسَبِّبُ فَسَادًا كَبِيرًا وَشَرًّا عَظِيمًا فَيَخْتَلُّ بِهِ الْأَمْنُ وَتَضِيقُ الْحُقُوقُ ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصرة المظلوم وتختل السبل ولا تؤمن فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبير إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجون أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة. Le Cheikh il dit, donc on va finir avec ça pour aujourd'hui. Le Cheikh il dit donc ça prouve que on n'a pas le droit de disputer l'autorité à celui qui la détient. Et on n'a pas le droit de sortir ou de se rebeller contre le dirigeant, excepté si on voit un coffre qui est clair, au sujet duquel il y a une preuve évidente venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, pourquoi c'est interdit? C'est uniquement parce que le fait de se rebeller contre le dirigeant, ça va amener un mal qui est plus grand que celui qu'on veut enlever. Et un grand mal qui va enlever, qui va détruire la sécurité qui est dans la société et qui va faire perdre aux gens. C'est-à-dire ils vont perdre leurs droits et tout ce qu'ils ont, et la personne qui va faire du mal dans la société par la suite ou qui va faire un crime ou des injustices, étant donné qu'il n'y a plus d'autorité, personne ne pourra l'arrêter et personne ne pourra le punir s'il fait du mal, parce qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'autorité dans la société, il n'y a plus de sécurité, tout le monde va avoir peur de tout le monde, hein. Et il n'y a personne qui pourra venir en aide à celui qui est injuste, à celui qui est opprimé, non plus. Et les routes vont être bloquées, vont être prises par des brigands qui vont bloquer le chemin aux gens, qui vont voler les gens sur la route. Également, il n'y aura plus de sécurité dans la société, les gens vont être dans le chaos. Donc c'est ce qui se passe dans les pays où il y a des coup d'État, parfois, on voit par la suite qu'il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de sécurité. Somalie, exactement, et d'autres pays encore, c'est la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle qui règne. Hein? Donc, c'est ça ce qui se passe. Et il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'ordre, comme en Somalie, comme tu dis, et ailleurs aussi. Donc, le chef, il dit que ça amène plus de mal. Et donc c'est quelque chose de mauvais, et c'est un grand mal, donc il ne faut pas le faire. Excepté si tu vois un coffre clair de la part de celui qui est dirigeant, tu vois qu'il fait un coffre qui est apparent et il y a une preuve claire à ce sujet-là qui vient d'Allah. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème si tu veux sortir contre lui et te rebeller contre ce dirigeant-là pour l'enlever du pouvoir, si tu es capable, si tu as la capacité. Mais le cheikh il dit, mais si ça amène un mal qui est plus grand, hein, et si le fait de vouloir l'enlever, tu n'as pas la capacité, alors tu ne sors pas. Et si tu penses que ça va amener un plus grand mal, tu ne sors pas. Hein? Parce que on doit prendre en considération le bien général de la société, les bienfaits, les conséquences qui vont venir. Il faut que ça amène un bien. Si ça n'amène pas un bien plus grand, il ne faut pas le faire. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Avec ces paroles de l'imam du Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, dans les détails de cette parole-là, des ulama, de l'Ahl-Sunnah de notre époque. Et donc, on voit que notre imam, nos grands ulama de notre époque aujourd'hui, comme le Cheikh Ibn Baz et d'autres, ils sont des imams qui sont sur la même voie que les ulama des salafs de l'époque des Sahaba et des Tabi'in, ils n'ont pas dévié de leur voix. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.